Musique, c'est Simon Roy qui est en votre compagnie. Cette semaine, je vous ai préparé une sélection de musique à tendance mat-rock, post-rock, même avant-rock. Donc, c'est ça, vous avez l'habitude un peu de musique électronique à l'émission. C'est principalement ce genre de musique-là qui est diffusé en licence Creative Commons. Mais il n'y a pas juste ça, donc c'est ça, je vous fais un aperçu de ce qui se passe un peu dans le monde rock, des artistes qui publient sous licence Creative Commons. Donc c'est ça, s'il y a des pièces qui vous plaisent, ben venez faire un tour sur le site de l'émission. Vous pouvez télécharger les pièces, toutes les pièces sont en téléchargement gratuit. Donc vous vous rendez au www.webmusique.org, le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous avez accès à toutes les pièces que vous entendez à l'émission. Aussi, je continue mes petits tests. J'enregistre via Twitcam. Donc, si vous me suivez sur Twitter, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe en studio. Je ne sais pas si ça fonctionne. On verra. Donc, c'est ça. On va débuter avec un groupe du Connecticut. Le groupe s'appelle Fugue, une pièce quand même assez longue, un bon 8 minutes. La pièce s'appelle The Sleep of Reason Produces Monsters. C'est sur l'excellente étiquette Lost Children, une étiquette qui vient de l'Angleterre, qui spécialise surtout dans le mat-rock, musique électronique. Donc, une étiquette vraiment intéressante. Donc, on débute tout de suite avec Fugue. Thank you. entendu, ça arrête vite. Donc, c'était Fugue, la pièce de Sleep of Reason Produces Monsters sur l'excellente étiquette Lost Children. Donc, Fugue qui nous vient du Connecticut aux États-Unis. Pour poursuivre l'émission, je vous propose la pièce Pull My Daisy par le groupe du même nom. Donc, Pull My Daisy, c'est un groupe qui vient de Namur en France. Ensuite de ça, je vous fais passer Alone in the Chaos, la pièce 00019. Donc, encore un peu de Matt Rock. Même les pièces sont intitulées avec des numéros. Donc, Alone in the Chaos, ça vient de Spirimont en Belgique. Donc, c'est ça. On écoute tout de suite Pull My Daisy. Oh yeah. Spérimont en Belgique. C'était Alone in the Chaos, la pièce 00019. Donc, vous aurez compris que ça a été nommé comme ça parce que c'est du matrock. Avant ça, c'était Pull My Daisy, un groupe de Namur en France. C'était leur pièce Pull My Daisy, un excellent album que je vous invite à télécharger. Ça vaut vraiment la peine. Pour poursuivre Web Music, je vous présente un groupe de la Suède qui s'appelle Sub Paria Sound, un groupe vraiment intéressant. Ça donne un peu dans le punk expérimental. Vous allez voir dans cette pièce-là, il y a un petit bout, c'est du Muzak, c'est complètement capoté. Sur le site, je vous ai mis une vidéo de la pièce que vous allez entendre. La pièce s'appelle Kids on the Playground, une vidéo vraiment bien faite, assez rigolo. Vraiment beaucoup d'énergie dans ce groupe-là. Ils ont toutes sortes d'influences. Ça passe du punk au ska, Muzak. Je vous dis qu'ils couvrent vraiment plein de styles différents. Ça vaut vraiment la peine de télécharger l'album. Ils ont vraiment des trucs vraiment passionnants. Ensuite de ça, c'est un groupe qui vient du Danemark, la ville de Aalborg. Le groupe s'appelle Savium. Je vous fais passer leur pièce Blossomest Blossom Part 3. Puis ensuite de ça, c'est un groupe qui vient de Tulsa, en Oklahoma. Le groupe s'appelle Gunter. La pièce s'appelle, attendez un peu, je vais vous dire ça, la pièce s'appelle Red Silkworm. Donc pour tout de suite, on entend Sub Paria Sound. aussi quelle doit être la prière de chaque jour. Portez un regard sur Québec, parlez de l'aspect communautaire, politique, environnemental. Ici Raymond Poirier. De quoi parlez-vous? Parlez des dossiers chauds et des grandes questions. Mais on ne demande pas mon avis. Bref, dressez une revue de presse critique, analytique. Le tout saupoudré de culture, de musique, de dégustation. Il n'y a pas de barrière. Vous le dites très bien. Avant 9h, tout est possible, du lundi au vendredi, de 7h à 9h. Je trouve qu'on ne doit pas compliquer les choses. On ne doit pas parler de choses abstraites. Actualité, société, culture, chronique, entrevue, réflexion. Vous les avez connus? Il ne faut pas avoir peur de mélanger tout ça. Oui, c'est très beau, mais ce n'est pas du cinéma. Ici Louis Vignola. CKRL est en pleine campagne de renouvellement de la carte de membre annuelle. Manifestez votre amour pour la radio culturelle de Québec. Renseignez-vous au 418-640-2575, poste 206, à sillon.com sous la rubrique Radioton ou au 405 3e Avenue à Québec. CKRL 89.1, la radio culturelle de Québec. De retour à Web Musique, c'est toujours Simon Roy qui est en votre compagnie. Tout juste avant la pause, on entendait une pièce du groupe qui vient de Tulsa, en Oklahoma. Le groupe s'appelle Gunter. Leur pièce s'appelle Red Silkworm. Avant ça, c'était Savium, un groupe du Danemark, de la ville de Aalborg. Donc, leur pièce s'appelle Blossomest Blossom Part 3. Puis on avait débuté ce bloc-là avec un groupe suédois qui s'appelle Sub Paria Sound. C'était leur pièce Kids on the Playground. Je vous invite à venir faire un tour sur le site de l'émission. J'ai mis une vidéo de Sub Paria Sound, une vidéo vraiment, vraiment amusante. La pièce est vraiment bonne. Pour poursuivre, on va entendre deux artistes qui sont sur l'étiquette, sur le net label Modicum of Silence. C'est un net label qui vient du nord-est de l'Ohio. Donc, qui s'occupe des artistes de ce coin-là, donc qui sont souvent des artistes qui donnent un peu dans le mat rock, post rock, un peu expérimental aussi. Donc, le premier groupe, j'ai vraiment pas d'informations à propos de ce groupe-là. J'ai pas de lien sur Internet. Donc, il s'appelle Abstractionist. Puis leur pièce s'appelle Abstractionist 2. Donc, si vous avez un peu plus d'informations à propos de ce groupe-là, j'apprécierais le recevoir. Ça m'aiderait un peu. Puis, tout de suite après, on va entendre un groupe de White House en Ohio. Le groupe s'appelle Our Subatomic Earth. Vous allez voir une pièce quand même assez planante. La pièce s'appelle Oceanus Procellarum. Thank you. c'était Our Subatomic Earth, la pièce Oceanus Procellarum, donc un groupe qui vient de White House en Ohio. Puis avant ça, c'était Abstressionist, la pièce Abstressionist 2. Donc, c'est deux groupes qui se retrouvent sur l'excellente étiquette Modicum of Silence, une étiquette qui est située dans le nord-est, le nord-ouest de l'Ohio. Donc, ils ont des trucs vraiment intéressants. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'émission pour télécharger les pièces que vous entendez. Donc, vous pouvez vous rendre au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Là, cette fois-ci, je vous présente un groupe de l'Italie qui vient de la ville de Turin. Plus particulièrement, ça s'appelle Lul Kane. Je vous fais passer la pièce Genocide Morning. C'est sur l'étiquette Choosed. C'est donc, comme je vous disais, une étiquette qui vient de l'Italie. Puis ensuite de ça, sur l'étiquette BWF Recordings, c'est un groupe qui vient de l'Angleterre, c'est une personne qui s'appelle Ketsa. Je vous fais passer sa pièce No Way Back. Donc, pour tout de suite, on entend Lul Kane. Thank you. great to play. C'était Ketsa avec la pièce No Way Back, donc Ketsa qui vient de l'Angleterre. Avant ça, c'était Lowell Kane, un groupe de Turin en Italie. La pièce s'appelle Genocide Morning. Donc, c'était sur l'excellente étiquette Choosied, une étiquette qui vient de l'Italie. Ça va être déjà tout pour Web Music. Je vais vous laisser sur une dernière pièce. Moi, je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h30 pour une autre émission. Donc, je vais vous laisser sur la pièce de Sick E. La pièce s'appelle An Inkling. C'est sur l'étiquette Music Artistry Recordings. Bonne nuit sur les ondes de CKRL.